face. Bloqué à huis clos, le cerveau coincé dans la clôture. Des loups m'entourent en forme de ceinture. Des murmures, ça rêve de me bouffer. Celui qui bouge l'empêtine et puis sa mère viendra l'étouffer. Fais vite, protection rapprochée des têtes tranchées. Les putains chialent mec, car le diable vient broncher. L'adrénaline se forge sous les tricots. Un holster, un gangster et puis le reste sombre dans l'holster. Poster et peint du sang dans le palais. Désolé si j'assassine mais si je te canne c'est qu'il le fallait. Fallait bien un peu de mauvais dans le bon. Je sais que c'est bon le bien, mais tu sais le bien peut sauter d'un bond. Pour assombrir, souffle coupé. Ça ira mal si tu m'insultes, mais que c'est ton père, fais pas te louper. C'est souvent sévère, tu restes sur la liste, nique ta mère. Écrivain d'un vécu triste, avec temps, c'est toujours l'apocalypse. L'apocalypse, c'est notre mouvement, c'est la fin du commencement, y'aura trop de sang. Malheureusement, pas assez de pansement, y repensant. Rien à se prouver, moi et mon clan. Au mic, on va exploser. On doit poser flow qui enterre les faux. Faut vous protéger car votre fin arrive bientôt face à nous. Ni justice, ni flic. Au-dessus de tout, surpuissant, moi et ma clique. Pour les vrais, on explose le rap à petite dose. Drogué de la rime, apocalypse. Et les faux rappeurs s'éclipsent. Pas prêt d'abandonner, pas prêt de te pardonner. Langue de pute, tu seras jamais à l'abri. Dégainer les parapluies car mauvais sera la chute en fait. Personne ne pourra n'y échapper. On fera sauter des têtes et ce sera plus la peine de se cacher. Avec nous, c'est souvent sévère. Tu restes sur la liste, nique ta mère. Écrivain d'un vécu triste. Avec temps, c'est toujours la potalie. Ferme ta gueule, où je canne les otages. J'ai tellement la dague dans le rap, je laisserai pas d'héritage. La vérité c'est que je vais terrifier. Même sans marquer, je trouverai le moyen de me qualifier. C'est le sultan là, j'espère que je suis convaincant là. Cuve d'art de terre, holster neuf de Ebola. Pour baiser les MC, pas besoin d'être savant. Moi je plonge la bite et non la tête en avant. Même en n'étant pas au maximum, tu comprendras vite que j'apparaîtrai sur le podium. Les concurrents souvent me font pitié. Dans la mer du rap nage seulement là où ils ont pied. Regarde comment j'abats face à face en coup bas. Avec ARM et MC la coup bas. Laisse les gueuges se faire des fixes. Sultan holster pour Urban Lyrics. Avec nous c'est souvent sévère. Tu restes sur la liste, nique ta mère. Écrivain d'un vécu triste. Avec temps c'est toujours l'apocalypse.